Transcription, horizon, classe 7. Dossier 1, livre page 9. 1. Salut Samer. Salut Nabil. 2. Bonjour monsieur. Bonjour. 3. Au revoir madame. 4. Au revoir, sa mère. À demain, Nabil. 5. Présente-toi. Je m'appelle Nour Bali. Mon prénom est Nour. Mon nom est Bali. Je suis syrienne. Épelle ton prénom. N-O-U-R.